Adventures of Sam Spade, Detective. Up here. Look, up in the sky. It's a bird. It's a plane. Hello? Yes, this is the Falcon speaking. L'année 1945 commence à peine. L'hiver est bien installé et apporte avec lui un parfum de liberté qui s'étend inexorablement sur l'Europe, repoussant les forces de l'Axe dans leur dernier bastion qui subsiste après les assauts inexorables de l'armée alliée. C'est d'un de ces bastions, niché au cœur des Alpes suisses, que surgit une voiture, le moteur rugissant dans la nuit. À son volant, une femme. Pas n'importe quelle femme. Alice Marble. Championne, chanteuse, autrice et éditrice de comics, activiste, femme mondaine, et en ce moment, membre de l'OSS. Elle, pourtant plus habituée au gazon et à la terre battue, roule sur les routes enneigées à toute allure, comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'est pour Joe, se dit-elle. Joe Crowley, son époux, mort en héros, son avion abattu au-dessus de l'Allemagne. C'est pour leur enfant qu'elle n'a pas pu porter à terme. Mais c'est pour le monde surtout. Elle avait tenté d'en finir avec la vie, tenté de rejoindre Joe et leur enfant qui n'a pas pu naître, mais elle avait échoué. Et, un jour, au détour d'un restaurant de Manhattan, elle trouva une nouvelle raison de vivre. Une raison qui prit l'apparence d'un membre de l'Office of Strategic Service, venu lui demander de reprendre contact avec un ancien amant, Hans, un banquier suisse qui, depuis le début de la guerre, frère avec les nazis. Elle n'avait pas hésité une seconde, et elle s'était donné corps et âme à son entraînement, apprenant tout ce qui est nécessaire pour réussir sa mission en moins de 2 semaines. Et elle l'a réussi. Tout est là. À côté d'elle, la sacoche qu'elle a sortie illicitement de la forteresse. Ça n'avait pas été facile de gagner la confiance de son hôte. Pas facile de feindre un léger malaise pour pouvoir se rendre là où il cachait ses documents. Ouvrir un coffre s'est avéré bien plus dur qu'un entraînement. Et pourtant, ça avait presque été un jeu d'enfant. Si seulement elle n'avait pas oublié d'éteindre la lumière avant de sortir, elle n'aurait pas été obligée de voler la Mercedes de Hans et de s'enfuir. Mais tout est là. Comme si elle avait le diable aux trousses, elle se rend au rendez-vous que lui a fixé son contact à l'OSS. Mais le diable a cédé sa place aux agents SS qui la traquent sans merci dans la nuit froide, criblant de balles le bolide qu'elle conduit. Elle espère s'en sortir, mais soudainement la voiture ne répond plus. S'arrête. Et Alice n'a plus de choix. Elle s'empare des documents et part en courant. Elle sera battue d'une balle dans le dos, qui la laissera agonisante, son sang s'étalant dans la neige. Ce qu'ignore le tireur, c'est qu'elle va survivre, et que même s'il lui a dérobé les documents qu'elle venait chercher, Miss Marble a une mémoire photographique, et ce qu'elle a lu, elle va le transmettre. Et à la virgule près, apportant sa pierre, à une victoire décisive contre les forces de l'Axe. Cette histoire semble hautement improbable, mais toute la vie de Alice Marble semble être la définition d'improbable. Née en 1913, d'un père chercheur d'or devenu fermier et d'une mère infirmière, elle est l'avant-dernière née d'une fratrie de 5 enfants. Elle vivra jusqu'à l'âge de 6 ans dans la ferme familiale, avant que sa famille ne s'installe à San Francisco. Son père, de fermier, se reconvertit en bûcheron, mais le malheur frappera durement la famille Marble lorsque, déjà diminuée par un accident de voiture, la pneumonie l'emportera lorsque Alice n'avait seulement que 7 ans. Comme Alice le dira elle-même dans ses mémoires, si elle n'était pas assez vieille pour comprendre l'ironie de voir mourir pour une raison apparemment si bénigne un colosse capable d'abattre des arbres de 50 mètres de haut, elle l'était assez pour sentir la morsure de la pauvreté. Ses 2 frères aînés se retrouvant obligés d'abandonner l'école pour travailler à poser des parquets 6 jours sur 7 pour aider financièrement leur mère. Mais de cette période, Alice en conserve, malgré tout, de merveilleux souvenirs où sa mère partage avec eux son goût pour la musique, tandis que son oncle leur donnera le goût du sport. Rapidement, la petite Alice s'avère être très douée pour le sport, notamment le baseball. Véritable petit garçon manqué, elle va, avec ses frères, hanter les terrains de baseball où ses lancers vont rapidement attirer l'attention de tout le monde, notamment des joueurs professionnels des San Francisco Seals, qui vont très vite la prendre sous leurs ailes pour l'entraîner et en faire la mascotte du club lorsqu'elle avait 13 ans. De cette époque, elle marquera profondément un gamin un peu plus jeune qu'elle, qui deviendra un membre de cette équipe bien plus tard, avant de devenir la légende des Yankees et le futur Monsieur Marilyn Monroe, le très grand Joe DiMaggio, qui disait d'elle qu'elle avait un bras extraordinaire. Mais le sport qui fera d'Alice une légende, ce n'est pas le baseball. Tune in and don't miss it. And remember, be with us again for the next thrilling installment.